Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur les ondes de CKRL 89,1. Alors, on poursuit cette ultime émission de la saison avec notre flot de chroniqueurs ici en studio. Je vais poursuivre avec Geneviève Gay. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie. Donc, tu vas nous parler du sommet mondial Éco-Cité qui aura lieu à Montréal du 22 au 26 août prochain. C'est le 9e sommet à se tenir depuis sa création en 1990. Ce sommet s'est tenu dans des villes telles que San Francisco aux États-Unis, Adélaïde en Australie, Istanbul en Turquie, Curitiba au Brésil. Et la raison de ce sommet est d'élaborer l'élaboration et la gestion d'éco-cités. Donc, c'est des cités qui sont écologiques, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est, même plus précisément, une cité écologique, une éco-cité? Bien, d'abord, les éco-cités sont des projets, souvent, de réhabilitation urbaine et territoriale. Puis, finalement, ils vont adopter une stratégie globale de développement urbain durable. Dans le cas du sommet mondial de Montréal, le thème principal s'intitule « Les personnes, l'écologie et l'urbanité » et s'articule autour de systèmes transversaux qui vont permettre aux intervenants de faire part des recherches de pointe puis de présenter des solutions concrètes en matière de développement et de gestion des éco-cités. L'expertise écologique urbaine particulière à Montréal sera mise de l'avant. Parce que Montréal, il faut comprendre que c'est une ville qui se distingue par sa nordicité et son insularité. Donc, L'insularité, c'est une île. Ah oui. C'est ça. Donc, les relations d'interdépendance qui existent entre la ville et son territoire alentour vont tisser un genre de logique de bassin de vie unique où les considérations de distance, d'approvisionnement, de proximité puis de voisinage fécond sont particulières à cette ville-là. Donc, mais généralement, dans les projets d'éco-cité, des notions de proximité, de déplacement doux, de mixité des usages, de densité, bref, de voisinage et d'humanité sont des notions à la base des réflexions et des démarches qui sont entreprises. On cherche surtout à articuler les problématiques sociales, économiques et biophysiques qui font partie intégrante de la notion d'éco-cité. Donc, durant ce sommet-là, il va y avoir six thèmes qui vont être abordés. Évidemment, ces thèmes-là sont interreliés entre eux. On va parler autant de conception de bâtiments verts, de nouvelles technologies vertes, d'écomobilité, de stratégies économiques pour soutenir les éco-cités. On va parler aussi d'engagement citoyen puis de prise en charge de la population, par la population. L'importance aussi du réseautage va être mise de l'avant. On assiste de plus en plus à l'émergence des réseaux sociaux et l'importance de développer des réseaux quand on vient le temps de développer des projets de cette envergure-là. Mais je vais vous parler là des systèmes. C'est quand même assez, c'est pas très scientifique, mais moi je vous considère ça comme un prétexte à l'élaboration de futures chroniques au retour saison prochaine. Une autre qui va revenir l'année prochaine. Donc, d'abord, ils vont parler de le premier thème, c'est les changements climatiques et l'éco-cité. Donc, on connaît tous les impacts des villes sur la production des gaz à effet de serre. On considère que c'est 70 % des gaz à effet de serre qui sont produits dans les villes. Donc, dans un contexte de lutte au changement climatique, on pressent tout de suite que les villes font partie de la solution. Donc, les éco-cités vont s'interroger par rapport aux stratégies d'atténuation puis d'adaptation pour faire face au changement climatique, de même qu'aux impacts économiques puis aux solutions technologiques qui visent la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième thème, c'est l'écomobilité, l'aménagement urbain et l'espace public. On se questionne notamment sur les façons d'organiser les villes et les banlieues pour permettre l'écomobilité. Les villes et les banlieues, on constate que ce sont des entités dynamiques qui sont soumises à des constantes transformations et adaptations. Mais encore aujourd'hui, un peu trop souvent, même si ça a tendance à s'inverser un peu, l'automobile domine l'espace urbain dans les projets d'aménagement. Les éco-cités, elles, visent un objectif de convivialité. Donc, les questions suivantes sont posées. Pourquoi et comment repenser l'aménagement de nos villes dans une perspective à long terme, mais en agissant à court terme? Quels aménagements réalistes, par exemple, peuvent faciliter la mise en œuvre et encourager la marche, la bicyclette ou l'utilisation des transports collectifs? Le troisième thème, c'est la gouvernance et la démocratie dans une éco-cité. Parce que transformer nos villes en éco-cité, ça implique une nouvelle façon de concevoir la ville, mais aussi de la gouverner. D'une part, il faut revoir le fonctionnement des politiques publiques, des municipalités, des gouvernements supérieurs et leur permettre de s'ajuster à une vision intégrée du développement urbain durable. Et d'autre part, il s'agit aussi d'implanter des nouvelles formes de participation citoyenne pour intégrer les citoyens dans les processus de planification puis de gestion des affaires urbaines. Le quatrième thème qu'on va aborder, c'est le développement économique d'une éco-cité. Donc, on se questionne comment définir des termes tels que développement durable, prospérité, bien-être, qualité de vie en lien avec la notion de développement économique de l'éco-cité. Donc, il s'agit de favoriser les économies locales, d'encourager le travail responsable et de gérer l'énergie et les besoins matériels de l'éco-cité. Cinquième thème, ça va être la santé et l'environnement bâti, notamment au niveau de l'impact de l'environnement bâti sur la santé des individus et des populations qui vivent en ville. On considère là, la qualité de l'air, les îlots de chaleur urbains, la sécurité des piétons, des cyclistes, le transport actif, la qualité de l'eau, même l'obésité puis les maladies cardio-respiratoires, la santé mentale sont des thèmes abordés. Mm-hmm. On cherche surtout des façons de créer des aménagements urbains qui sont favorables à la santé des citoyens. Comme par exemple, on peut agir assez facilement sur la configuration des bâtiments, sur la configuration des rues, des trottoirs, la qualité des espaces mm-hmm. publics, le verdissement. J'en mm-hmm. avais fait une chronique oui, d'ailleurs, c'est ça. Et le sixième thème, et non le moindre, la biodiversité et l'agriculture urbaine. En plus, bon, la biodiversité, l'agriculture urbaine et les espaces verts aussi sont tous trois très intimement liés. Puis ça contribue au bien-être de la population, on le demande de plus en plus, que ce soit de manière directe ou indirecte, au niveau de la santé, de l'environnement et de la qualité de vie, mais aussi la qualité des paysages, tout ça. Mm-hmm. Donc, les connaissances scientifiques par rapport aux bienfaits de tout ça, s'accumule de plus en plus. On reconnaît de plus en plus les multiples services que la biodiversité, etc., rend à la société, à l'économie, à l'écologie aussi des milieux urbains. Donc, il s'agit maintenant d'adopter des politiques d'aménagement pour faciliter leur implantation, parce qu'il y a une demande. On assiste de plus en plus de gens. C'est plus une curiosité d'entendre quelqu'un qui veut avoir des poules chez eux en ville. C'est vrai. Sauf qu'on n'a pas vraiment de réglementation là-dedans, donc il s'agit maintenant de s'adapter à la demande. Il y a même des demandes pour des jardins communautaires, là, des de lots, il en manque. Il en manque, voilà. Demande, de plus en plus de demandes. Donc, il s'agit maintenant, dans le milieu urbain, de s'adapter à ça. Donc, finalement, le Sommet mondial Éco-Cité va se présenter sous forme de conférences, d'échanges. Les dialogues vont être omniprésents. Il va y avoir beaucoup d'interactions entre les conférenciers et les participants. Il va être possible aussi de participer à des séances de greenstorming, puis à toutes sortes d'ateliers qui vont, en fond, chercher à transformer l'avenir des zones urbaines en éco-cité. Puis ça se base sur l'écologie, puis c'est centré sur les personnes. C'est sûr que je vais y être. Et je, voilà, comme je disais tantôt, je vais vous en reparler au retour à la saison. C'est ça, tu vas faire ton plein d'éléments pour venir nous faire plein de chroniques l'année prochaine. Voilà. C'est vraiment large, hein, finalement. Hein. Puis je ne vois pas pourquoi tu dis que ce n'est pas scientifique, parce que quand j'entends parler de biodiversité, des différents aspects de santé dont tu as parlé, de changement climatique, de bâtiments durables, bon, toutes les techniques de bâtiment, tu nous en as parlé des oui, fois, géothermie, oui, voilà. etc. Je ne vois pas pourquoi tu dis que ce n'est pas scientifique. Non, ben, c'est la présentation que j'en faisais maintenant est plutôt théorique, tout ça. Je considère ça comme une source quand même assez intéressante. Puis en plus, j'imagine qu'on va voir là les acteurs du monde entier qui vont parler du sujet. Ah, j'ai hâte de voir.